Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche Oreille, édition du dimanche 18 février 2018. Alors, je vous fais entendre ce soir un album magnifique. C'est un morceau d'anthologie en matière de paysage sonore. C'est un projet qui s'intitule Radio Road Movies. C'est créé par les artistes Christian Calon et Chantal Dumas. Alors, de juillet à septembre 1999, il y a presque 20 ans maintenant, Calon et Dumas vont parcourir les routes du Canada sur plus de 20 000 kilomètres, de Montréal au cercle arctique du Yukon, à travers les prairies, puis glissades vers le Pacifique et j'en passe. Alors, équipés de matériel d'enregistrement, de sacs de couchage, d'ustensiles de camping, de livres et de cartes routières, Chantal et Christian prennent la route un 9 de juillet au volant d'un magnifique projet artistique dont je vous livre dès maintenant un premier segment constitué des pièces intitulées Austin, Manitoba, Vent dans les prairies, The Princess of Stars et Montagne Vallée. ticket number 06064, then you're going to the speed limit. Ladies and gentlemen, this is Saturday morning in Austin, Manitoba. We are directly broadcasting from the tent of the Princess of the Stars, and she just woke up. She said some words after being lying in bed for many hours, I would say. But finally she spoke, and she said, "My batteries are finished." Gentlemen, there is some problems on the line. I have to start again with the program. She said my batteries are over and it is 10 to 10 in Austin, Manitoba. And we are here at the Stampede in the campground. And this is direct from the tent of the Princess of the Stars. Over. Roger. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de CKRL. On écoute ce soir le beau projet de Chantal Dumas et de Christian Calon, réalisé il y a plusieurs années maintenant, qui s'intitule Radio Road Movies. C'est l'accroche-oreille. On vient d'entendre des extraits qui s'intitulent Austin, Manitoba, Vent dans les prairies, The Princess of the Stars et Montagne-Vallée. Dans un article paru dans le magazine Music Works, qui est un magazine canadien sur les arts sonores, Anna Fritz juge que la caractéristique la plus notable du projet Radio Road Movies, c'est la clarté et la richesse des enregistrements sur le terrain. Et là, j'ouvre les guillemets, elle dit « Le chant du corbeau, le passage des trains, chute de pluie, mouvement océanique, tous présentent des défis uniques pour l'enregistrement et la composition. Il est d'ailleurs particulièrement difficile de transmettre la complexité auditive du vent sans que ça dégénère en bruit blanc. Calon et Dumas aiment le vent et excellent à le capturer. La première partie du périple, qui s'intitule « Le petit homme dans l'oreille », débute d'ailleurs avec une rafale de vent dans les arbres du Manitoba et à la fin de la pièce, nous sommes de retour dans les prairies où le vent de Saskatoon dans les champs de maïs retentit plus comme un tremblement de terre. » Je ferme les guillemets. Et toujours à propos de cette première partie du projet intitulé « Petit homme dans l'oreille », qui mixe, je le rappelle, des sonorités d'ambiance et des conversations. Deux journalistes de la revue du magazine Revue et Corrigée, Jean-Christophe Kamps et Carole Rieusec, soulignent à juste titre que la captation sonore et le rendu peuvent devenir extrêmement sensuels. Le petit homme dans l'oreille se distingue par une sorte de trame continue, trace des auteurs, trame du réel. Ici, l'acte de mixage est très savamment calibré et le sampling crée un léger trouble là où on entend un ensevelissement sonore. C'est toujours les journalistes qui parlent. Ce doux fondu des sons, voix, monde nous éloigne d'une certaine esthétique où l'intensité qualifie la présence, où la rupture fait jaillir des brèches du silence. C'est vraiment poétique comme proposition journalistique. Et on pose des questions. Est-ce une mort organique pour une vie abstraite? Ce qui relierait d'autant plus ces deux volumes. Dans Le petit homme dans l'oreille, on entend une respiration perpétuelle, celle du désir, de l'écoute, de la technique. On l'a entendu, c'était Christian Calon qui disait « My batteries are over ». Il y a comme un flouage entre le réel, la fiction et l'autofiction. Je ferme les guillemets et vous propose d'écouter un deuxième segment qui est constitué des pièces « Wimmer Canyon »,« Système des eaux »,« Pink Mountain » et « Wawa Junction ». Are you ready? Yes. Hello. You want us to do any more? Yes. Echo. Does it come back more than once? No. Again! Echo! You want us to do any more? Yes! You want us to do any more? Yes! Keep doing it! Okay, Say hello and oh. Okay, that gracious bell. Okay, let's do it. Say hello again. Hello! Ray! Hello! Scream your name! Pardon? Your name! Super! Super! Alors, on écoute la belle randonnée sonore de Christian Calon et de Chantal Dumas. Une randonnée qui s'intitule Radio Road Movies, réalisée en 1999, une traversée canadienne. Ce projet, il se déploie en deux univers distincts, dont celui dont je vous ai parlé, qui s'intitule Le petit homme dans l'oreille, qui combine des sonorités géographiques et humaines, alors que le second univers du projet s'intitule Documents de surface. Il consiste essentiellement en des enregistrements de terrain qui sont présentés sans interprétation, sans traitement particulier ou altération. Il s'agit de prises directes. Les pièces sont davantage, on peut le dire, contemplatives, même si le matériau sonore est reconnaissable. La construction amène l'auditeur à un autre niveau d'écoute, en regard notamment des subtilités. Dans une entrevue qu'elle accordait, là encore au magazine Music Works, Chantal Dumas rappelle les aléas de la création artistique, de la création sonore, notamment, elle dit, et là j'ouvre les guillemets, « Le voyage n'était pas pas forcément planifié, dit-elle. Nous voulions traverser le pays et regarder de près la réalité canadienne et ressentir l'immensité du territoire après 7 années de vie en Europe. Nous en avions vraiment besoin. Nous voulions échapper, encore, c'est Chantal Dumas qui parle, aux villes parce que nous y passons beaucoup de temps. À un moment du voyage, nous avons décidé de nous diriger vers le nord et d'essayer d'atteindre le cercle polaire qui allait ajouter 5000 kilomètres de plus à ce périple. Chaque fois que nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'on entend ici? Y a-t-il quelque chose de différent? Et de quelle manière est-ce différent? Et c'est ainsi que nous avons développé une écoute critique du territoire. Ce volet qui s'intitule « Document de surface » dans le projet, nous amène plus loin d'un réel, plus proche de la surface du son, et comme le soulignent Jean-Christophe Kamps et Carole Rieusec de la revue Revue et Corrigée, et là j'ouvre les guillemets encore une fois, ces épures d'un train la nuit ou d'une corne de brume sur le Pacifique nous révèlent l'abstraction de l'image. La référence au dessin est tentante, le son est terriblement bien ourlé. Nous voici comme face à une esquisse ou un lavis qui force à faire apparaître du son ce que ces deux compositeurs de la matière veulent bien nous y faire entendre. C'est une réflexion assez juste sur ce travail qui force l'imaginaire à imaginer, aussi simplement dit, le territoire. Ensuite, l'écoute permet toutes les discrétions mentales, métaphysiques et banales. Alors, on poursuit l'écoute de ce beau projet qui s'intitule Radio Road Movies avec des pièces qui s'intitulent Cathédrale, Histoire d'ours et prairie. So thank you for allowing us to come here. And to be on your territory. It is indeed an honor. Så er nogle venomme døde, så der skal næste den næste, som vi gør, den siger man op. Og skåret, dem lang, og råd dem, tog dem rådet op, og vi så dem, mod som de lejede dem, eller når man satte dem, det flokste dem, det kunne gøre det. Og nu skal jeg tage hjertet op nye. Og nu skal jeg tage hjertet. Ikke sådan. Dårer som nissen. Og som rammel, eller man satte den. Og man måtte få det. Det er lidt højt, at man tænt. Og næste op nissen, det er nok sagt, som man så vokser. Men er det lidt kun en åk, så næste i valg, eller det er ikke lidt løsen. Det er nok med løsen, eller man satte den. Thank you. honor you have given us to be here today. A little part of the song I gave you, the wolf silver song. The soup is on this wolf. Please come and enjoy it. We'll provide you a little bit of food and some gifts. You want to spend a few minutes, look around, it's a little wet. Then we'll move back to the stairs. Thank you very much. C'est une trace d'orignal. Non. Non, ça doit être une patte d'ours, ça. Ouais, il y a des doigts. Ça, c'est comme ceux d'un ours noir. Oh, it's really beautiful, the harbor in the morning, yeah. Like this in the mist. Yes. Did you do pictures professionally or for fun? I try to. Yeah? Try to make money at it. Like most of us, I work a real job and do this on the side. And yeah. I got another year to work and then I'll do it full time. What do you use for taking pictures? Big zoom? Or? I'm usually shooting slide film. Yeah. But, this morning it was very dark. I thought I'd put in the old black and white film for the first thing till the light comes better. Oh, yeah. Did you notice the black bears have some white markings? Mm-hmm. Like... Okay. Black, brown. But anyway, so basically there's three bears in North America, like polar, brown, and black. And brown can be called grizzly. Just had one come down the road, Debbie. Into the north part of the creek? Yeah. Yeah, Ron's over there. He said it's a small brown. By there? By the saloon. The bear? No, Ron. Oh. Don't panic. I'm not panicking, Pete. Don't tell me not to panic. Deux, là, tout près, deux gros. Ils vont traverser la route, là, regarde. Don't move ahead, just stay where you are. Hey, hey, hey. You come. Jesus. Come on. descendre la rivière. Ah oui, non, elle dit, attends, elle ne peut pas t'asseoir dessus pour prendre une photo. Mais ils vont sûrement descendre sous le pont. Viens de l'autre côté, viens de l'autre côté. Well, there's been a different one. Oh, it is Ozzy with her now. Sans rôle, hein? She must be getting fickle. Coming up to eat now. On est de face ici. Ils étaient tous les deux en train de bouffer quelque chose. Ça, c'est les grizzlies, ça. Non, je sais. C'est les pointes, ils sont gigantesques sur la photo, ça tout petit. Thank you. suis en train de virer folle. Moi, j'allais dans le champ. Alors, c'est ce qu'on appelle bourdonner en pleine nature. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL 89,1. C'est la Croche-Oreille, l'émission d'art sonore pour toutes et tous. Alors, on vient d'entendre les pièces Cathédrale, Histoire d'ours ou de grizzly et enfin Prairie. C'est tiré du parcours sonore Radio Road Movies de Chantal Dumas et de Christian Calon. Tous deux, dont j'aimerais maintenant vous parler un peu tout de même. Alors, musicienne et artiste sonore, Chantal Dumas conçoit depuis plusieurs années des installations sonores, des fictions documentaires radiophoniques qu'on appelle hors-spiel et des environnements sonores. Son travail comprend une dimension participative très souvent et se nourrit de collaborations avec des artistes issus du domaine des arts visuels, de la danse ou de la poésie. Elle tire de la collecte de sons la matière première de ses productions. C'est une habituée du field recording, très bel exemple qui nous est présenté ce soir à travers ce projet. Son travail a été récompensé, entre autres, par le prix Opus remis par le Conseil québécois de la musique, le prix Bohemia de la radio publique tchèque et le prix Phonurgia Nova, un prix français en radio. Chantal raconte dans un entretien qu'elle accorde à Clément Baudet de la revue Saint-Homme que l'expérience du voyage n'est pas uniquement une question de déplacement géographique. Elle est faite de ce que chacun construit à partir de sa propre expérience de la vie. Battements, souffles, craquements, pulsions, autant de signes de vie et de mort et autant de sons qui naissent, se propagent et s'éteignent. Chaque son est quelque part une fiction, une histoire de vie et de mort. Je ferme les guillemets, c'est les belles réflexions de Chantal Dumas. Christian Calon, quant à lui, c'est un Québécois qui est né à Marseille. Il est compositeur et créateur sonore, d'abord actif dans la musique électroacoustique. Christian est un autodidacte qui s'est intéressé à la musique électroacoustique par l'intermédiaire de son mentor Francis Daumont, dont on a présenté les travaux il y a quelques semaines. Ses projets artistiques de Christian Calon prennent plusieurs formes. On parle d'œuvres radiophonique à travers l'écriture et la mise en scène de simulacres sonores. Il crée des œuvres acousmatiques qui explorent l'espace-temps. Il a remarquablement réuni des univers filmiques et sonores dans le cadre de ses projets récents inspirés de géographie humaine et territoriale. Je pense entre autres au projet Continental Divide qu'a réalisé entre 2009 et 2014, qui était présenté d'ailleurs à la Cinémathèque à Montréal il y a quelques années, ainsi qu'au Moins Multi à Québec. Et il a fait récemment un projet qui s'intitule La grandeur des choses. C'est un film installation produit en 2017. Il a remporté plusieurs prix, dont le concours international Louis-Guy Roussolo. Dans le contexte d'une table ronde tenue à la Cinémathèque, justement, Christian souligne que les questions qui surgissent tôt dans les premiers efforts de création nous ouvrent à toutes sortes de possibilités. On n'a aucune certitude, dit-il, alors on essaie simplement de retomber sur nos pieds parce qu'on se dit qu'il faut réussir quelque chose. Si on entreprend de réaliser un objet, une œuvre, peu importe sa nature ou son genre, que ce soit radiophonique, musical, littéraire ou filmique, je crois, dit Christian Calon, que c'est toujours le même problème qui revient. Comment peut-on circonscrire la forme d'un objet aux possibilités infinies, et d'autant quand c'est le son? Alors c'est ça qui m'a beaucoup intéressé depuis le début, dit-il. Alors on écoute ensemble un dernier segment de ce projet magnifique de paysage sonore réalisé par Christian Calon et Chantal Dumas. C'est des projets qui s'intitulent 66 degrés, 33 minutes de latitude nord, une nuit et Spirit Sands. Et en terminant, pour vous dire que vous pouvez réécouter l'émission ou les émissions antérieures sur le balado qu'on retrouve sur le site de l'Accroche-Oreille, l'accrocheoreille.wordpress.com, et vous avez le détail des pièces qu'on a présentées. Alors, on y va avec cette première pièce, 66 degrés, 33 minutes de latitude nord. And no more fire. Here we are. crossing the Arctic Circle. Latitude 66 degrees 33 minutes north. Jeudi le 12 août 1999. Il est 22h09. Nous sommes exactement au cercle polaire arctique, sur la route de Dawson City à Inuvik.